17e chapitre. Symphéropol. Encore Batchésérail. Carolès. Les princesses Adilbé. Mangou Calais. Sous les Tatars, Symphéropol, la seconde ville de la Crimée, servait de résidence au Kalga Sultan et était alors ornée de palais, de mosquées, de beaux jardins dont il reste peu de traces aujourd'hui. Aux rues tortueuses, aux murs élevés, aux bosquets de roses de l'ancienne cité, a succédé la froide monotonie des villes russes. On peut donc, à bon droit, lui reprocher d'avoir un plan assez vaste pour contenir 10 fois autant de maisons qu'elle en possède. Mais du moins, rien n'a pu lui enlever son salir avec ses bords couverts des plus riches vergers de la Crimée. Seulement, au lieu de bâtir la ville nouvelle au fond de la vallée, on l'a jeté sur un immense plateau où ses rares maisons et ses rues démesurément larges n'ont aucune espèce de caractère. Mais aussi, comment peindre le bonheur que l'on éprouve lorsqu'après avoir erré longtemps dans de telles rues incendiées par le soleil, on se trouve sous les frais ombrages qui bordent le Salguir. Là, de charmantes maisons de campagne s'élèvent au sein des vergers et vous font vite oublier la tristesse et l'aridité de Symphéropol. Une aimable famille française, depuis longtemps établie dans le pays, et dont le chef Monsieur de Serres, ancien disciple et ami de Vauquelin, fut devenu célèbre en chimie, s'il n'eut pas quitté la France, nous retint plusieurs jours sur les bords du Salguir. Note. Son petit-fils, Monsieur Félix Pisani, est un jeune chimiste plein d'avenir qui habite Paris tout exprès pour suivre les progrès de la chimie et concourir lui-même au progrès de cette science de tout son pouvoir. Fin de note. Nous fîmes en compagnie des dames Pisani et Lagoriot, filles de Monsieur de Serres, de nombreuses excursions dans la vallée de l'Alma, la plus capricieuse, la plus tortueuse, la plus riche en accidents imprévus que je connaisse. La rivière qui lui donne son nom fait de tels tours et détours dans cette sauvage vallée que je me souviens l'avoir traversée 18 fois à cheval dans une promenade de 3 heures. De retour à Batchésérail, nous passâmes une ravissante soirée sur une des galeries du palais à prendre le thé et à deviser avec notre philosophe, tandis que la lune, pâle et sereine, jetait sur l'édifice, les jardins et la grande cour déserte un charme presque idéal. Dès le lendemain, nous abandonnâmes définitivement le Pereklatnoï pour monter à cheval. Quiconque eût pu voir défiler notre caravane à sa sortie du palais aurait ri de bon cœur de sa physionomie exotique. Assise sur une selle tatare d'une hauteur prodigieuse, avec mon costume de la mer Caspienne et un parasol à la main, j'avais pour ma part une tournure suffisamment excentrique. De son côté, Monsieur de Hell portait, avec toute la gravité orientale, le bonnet persan, la ceinture et les armes dont il s'était fait une habitude dans ses longs voyages. Mais nos personnes, si singulières qu'elles fussent, ne pouvaient se comparer à celles du Drockmann. Une demi-douzaine de sacs de cuir, contenant des provisions, battaient les flancs de son cheval. Ma pauvre capote en paille, que j'avais dû abandonner pour un chapeau rond, était suspendue au pommeau de sa selle comme un vrai chiffon, et au milieu de tout cet attirail brillait un parapluie de toile blanche dont il se faisait complaisamment un rempart contre le soleil sans se soucier de ce surcroît d'embarras. Deux cavaliers tatars nous suivaient, ayant aussi leur contingent de bagages. Après quelques heures de marche au milieu d'une contrée entrecoupée de ruisseaux, de vallons et de nombreux vergers, nous arrivâmes dans la soirée à Carolès, village tatar perdu au milieu des montagnes, dans la vallée dont il porte le nom, est l'un des plus délicieux endroits que l'on puisse rencontrer dans cette belle tauride, si riche pourtant en sites pittoresques. son voisinage de Mangoub-Calais, l'abondance de ses eaux, les montagnes qui forment au fond de la vallée une ligne de murailles crénelées, comme si, dans ces jeux, la nature s'était plu à imiter l'art en conservant néanmoins ses proportions les plus grandioses, et plus que tout cela, le mérite d'appartenir à la princesse Adil Bey, dont la beauté, quoique invisible, a inspiré plus d'un poète, tout jette sur Carolet un attrait romanesque qui lui amène chaque année de nombreux visiteurs. Avant de partir de Saint-Ferropol, je m'étais munie d'une lettre du gouverneur pour la princesse, afin de me convaincre par moi-même si sa beauté et celle de ses filles valaient leur réputation. Cette question avait été souvent agitée depuis notre arrivée en Crimée, et l'on conçoit mon désir de la résoudre victorieusement. Mais malgré la lettre d'introduction, mon admission dans le palais était encore chose douteuse, car bien des dames russes avaient inutilement frappé à sa porte. Tout en exerçant l'hospitalité la plus noble, la princesse Adil Bey était rarement disposée à contenter la vive curiosité de ses hôtes. Quoique la loi de Mahomet, relativement à la séquestration des femmes, soit moins vigoureuse chez les Tatars de la Crimée que parmi les Turcs de Constantinople, les femmes riches n'en vivent pas moins dans un isolement presque absolu. Un de nos amis de Saint-Ferropol, nous ayant précédés de quelques heures chez la princesse, avait eu le soin d'annoncer notre arrivée avec accompagnement de grosses caisses, attention qui nous valut un accueil des plus brillants. La maison des étrangers fut préparée avec l'ostentation naturelle aux Orientaux. Nous passâmes en traversant le vestibule au milieu d'une double haie de serviteurs, dont l'un des plus âgés et des plus richement vêtus nous introduisit dans un salon disposé à la turque, tout couvert de fraîches peintures et garni de larges divans de soie rouge qui nous rappelèrent les pièces délicieuses du palais des Khans. Le fils de la princesse, charmant enfant de 12 ans, parlant fort bien le russe, vint se mettre à notre disposition et voulut se charger lui-même de traduire nos ordres aux domestiques et de veiller à ce que rien ne nous manquât. Je lui remis ma lettre qu'il s'empressa de porter à sa mère, et peu de temps après, il revint m'annoncer, à mon extrême satisfaction, qu'elle me recevrait aussitôt sa toilette terminée. Certaine alors de pouvoir satisfaire ma curiosité, je comptai les minutes jusqu'au moment où un officier, suivi d'une vieille femme voilée, vint me prendre pour m'introduire dans le palais mystérieux dont je n'avais aperçu jusqu'alors que la haute muraille d'enceinte. Chose convenue entre nous, mon mari essaya de nous suivre, et voyant qu'on n'y mettait nul obstacle, franchit, sans plus de cérémonie, la petite porte donnant entrée dans le parc, traversa ce dernier, monta hardiment sur une terrasse attenante au palais, et finit par se trouver, non sans être tout surpris de cette bonne fortune, dans un petit salon faisant partie des appartements intérieurs de la princesse. Jusqu'alors, nul étranger, excepté le comte Voronzov, n'avait pénétré dans l'intérieur du palais. L'exception aussi flatteuse qu'inespérée, faite en faveur de mon mari, semblait grosse de promesses. Mais tout se borna là. L'officier qui nous avait introduits dans le palais, après nous avoir servi de l'eau glacée, des confitures et des pipes, vint prendre mon mari par la main et le conduisit hors du salon avec une promptitude fort significative. En effet, à peine eurent-ils disparu qu'une portière soulevée dans le fond de la pièce donna passage à une femme d'une beauté éclatante, vêtue d'un riche costume, laquelle, s'avançant vers moi avec un air de dignité remarquable, me prit les mains, m'embrassa sur les deux joues et s'assit à mon côté en me faisant mille signes d'amitié avant que je n'aie eu le temps de me reconnaître. Elle avait beaucoup de rouge, ses sourcils peints en noir selon la mode orientale et réunis au bas du front donnaient à sa physionomie quelque chose de sévère, sans nuire pourtant à la grâce toute féminine du visage. Une veste en velours, garnie de fourrure, serrait sa taille encore élégante. Tout dans son ensemble surpassait l'idée que je m'étais faite de sa beauté. Nous restâmes plus d'un quart d'heure à nous considérer attentivement, échangeant tant bien que mal quelques mots russes, insuffisants pour traduire nos pensées. Mais en pareil cas, le regard supplée à la parole, et le mien dut faire comprendre à la princesse l'admiration que me causait sa vue. Quant au sien, je dois avouer humblement qu'il paraissait beaucoup plus surpris que charmé de mon costume de voyage. Que n'aurais-je pas donné pour connaître le résultat de ses réflexions dans l'analyse qu'elle en faisait? Il me vint même un véritable scrupule de conscience, celui de m'être présenté à elle sous un vêtement qui devait lui donner une singulière idée des modes européennes. Malgré mon désir de prolonger notre tête-à-tête dans l'espoir de voir ses filles, la crainte d'être indiscrète me décida à prendre congé d'elle. Mais un geste gracieux me retint, tandis qu'elle me disait avec beaucoup de vivacité « Pastoy, pastoy, attendez, attendez !» tout en frappant des mains à plusieurs reprises. À ce signal, une esclave s'empressa d'accourir et d'ouvrir sur l'ordre de sa maîtresse une porte à deux battants. Aussitôt, la plus brillante apparition me rendit subitement muette de surprise et d'admiration. Qu'on rêve aux plus délicieuses sultanes dont la poésie et la peinture aient essayé de me donner l'idée, et l'on sera loin encore des ravissants modèles que j'avais sous les yeux. Elles étaient trois, aussi belles, aussi gracieuses, aussi poétiques l'une que l'autre. Les deux aînées portaient des tuniques en brocart cramoisi, ornées sur le devant de larges galons d'or. Ces tuniques ouvertes laissaient apercevoir des robes de cachemire avec des manches très étroites, se terminant par des franges d'or. La tunique de la plus jeune, en brocart bleu de ciel, avait des ornements d'argent, seule différence qui exista entre sa parure et celle de ses sœurs. Toutes les trois possédaient de magnifiques cheveux noirs s'échappant en tresses innombrables d'un fez en filigrane d'argent. Toutes les trois étaient chaussées de babouches brodées d'or et portaient des pantalons bouffants serrés à la cheville du pied. Impossible de voir une peau plus éclatante, des cils aussi longs, une fleur de jeunesse aussi délicate. Le calme répandu sur les traits de ces charmantes créatures n'avait jamais été troublé par aucun regard profane. Seul celui de leur mère leur avait dit jusqu'alors combien elles étaient belles, et cette pensée, qui me vint tout de suite à l'esprit, leur donnait à mes yeux un charme infini. Ce n'est pas dans notre Europe où les femmes exposées, comme elles, le sont au regard de la foule, s'abandonnent de si bonne heure à la coquetterie que l'on pourrait imaginer un pareil type de beauté. Les traits de nos jeunes filles sont trop vite altérés par la vivacité de leurs impressions pour que le regard de l'artiste puisse y trouver ce charme divin de pureté et d'ignorance qui me frappa si vivement à la vue de mes princesses tatares. Lorsqu'elles m'eurent embrassée, elles se retirèrent dans le fond du salon où elles restèrent debout avec ces poses orientales que nulle femme en Europe ne saurait imiter. Une douzaine de suivantes, enveloppées de mousseline blanche et dominées par un sentiment de curiosité et de respect, se pressaient à la porte du salon. Leur silhouette se dessinant en relief sur un fond sombre ajoutait encore au pittoresque de la scène que j'avais devant moi. Ce beau rêve dura près d'une heure. Quand la princesse me vit décidée à partir, elle me fit signe d'aller visiter le jardin. Mais je me hâtai de la remercier de cette nouvelle attention, préférant de beaucoup rejoindre mon mari, auquel j'avais hâte de raconter tous les détails de cette entrevue qui m'avait complètement éblouie. Le lendemain matin, nous montâmes à cheval pour visiter Mangoubkale, montagne renommée dans le pays et qui inspire aux habitants une grande vénération. Les Goths, les Turcs, les Tatars la possédèrent tour à tour. Sa position presque inexpugnable lui fit jouer un rôle important dans toutes les révolutions que subit la Crimée. Et à son nom se rattachent les souvenirs les plus brillants de l'histoire de cette presqu'île. Pendant 3 heures au moins, nous gravîmes des sentiers à peine tracés sur le flanc de la montagne, ne comprenant pas que nos chevaux puissent marcher aussi hardiment sur ces pentes inclinées où rien ne leur servait de point d'appui. Mais les chevaux de la Crimée possèdent une adresse sans égale et pourvu que leurs pieds se posent quelque part, peu leur importe que ce soit au bord d'un précipice ou dans une plaine unie. Tout le revers de la montagne nous offrit, comme à Tchoufoukalé, un nombre infini de tombeaux. Mais ceux-ci, portant des inscriptions hébraïques et tatars, annonçaient que plus d'un peuple avait foulé cette terre aujourd'hui déserte. À force de monter, nous finîmes par atteindre le large plateau triangulaire qui couronne le rocher, où s'élevait jadis Mangoubkale. La surface ne présente plus qu'un immense sang stérile, tout couvert de ruines. Deux côtés du plateau sont à pic. Le troisième était défendu par une forteresse dont une partie est encore debout. Cette montagne est empreinte d'un caractère de grandeur et de mélancolie inexprimable. La destruction en a fait depuis longtemps son domaine. L'œil ne voit partout que des ruines, des tombeaux, un sol inculte. Et pourtant, malgré la sévère tristesse de ce lieu, l'âme n'y est pas saisie, comme à Tchoufoukalé, d'un sentiment d'effroi et de malaise. Cela vient de ce que l'ancienne ville des Caraïbes, toute mutilée qu'elle soit par le temps et les événements, a gardé un simulacre d'existence, et cette alliance de la vie et de la mort frappe nécessairement l'esprit d'une terreur superstitieuse. À Mangoubkale, des traces humaines sont effacées depuis trop longtemps pour éveiller de tristes pensées. On y songe moins aux hommes qu'aux époques lointaines, aux grands événements, aux nombreuses révolutions dont ce rocher a été le théâtre. La façade de la forteresse a résisté aux sourdes attaques du temps. Quoique couverte de nombreuses crevasses, elle est restée fidèle à son poste et ses hautes murailles, vues de loin, semblent encore protéger Mangoubkale. Des troupes de chevaux tatars passent toute la belle saison sur le plateau dans une complète liberté. Ils vont s'abreuver à un grand réservoir d'eau alimenté par une source qui ne tarit en aucune saison. Notre ravissement fut extrême lorsqu'en parcourant l'intérieur de ce qui avait dû être la citadelle, nous découvrîmes dans une espèce de cour dont les murs gisaient à terre un champ de lilas s'épanouissant au milieu des ruines et abandonnant au vent du désert ses parfums et ses grappes en pleine floraison. Je ne puis dire l'impression que me causèrent ces fleurs, croissant ainsi sous la rosée du ciel, loin de tout regard humain. Leurs émanations embaumées et leurs fraîches couleurs semblaient protester contre la désolation du lieu et prouver que la nature ne perd jamais ses droits. Outre la forteresse, nous remarquâmes encore un monument que le temps avait respecté. Sa construction et les tombes qui l'entourent font supposer que c'était une vieille église chrétienne. Le chœur est assez bien conservé et les fenêtres même ont subi peu de dégradation. Du haut de Mangoubkale, l'œil embrasse un immense horizon offrant les tableaux les plus variés. D'un côté, la mer avec ses îles, ses caps, ses bâtiments, ses côtes déchiquetées et Sévastopol, dont on peut, par un temps clair, apercevoir distinctement les monuments. À l'ouest, des vergers magnifiques, des coteaux couverts de vignes, de larges prairies entrecoupées de ruisseaux s'étendant à perte de vue dans la direction de Saint-Féropol. Puis, au pied de la montagne, la vallée de Carolès, ses forêts, sa ceinture de rochers, ses nombreuses fontaines, son village tatar et le palais de la princesse Adil Bey, dont l'architecture mauresque se dessine élégamment à travers un rideau de peupliers. Les guides nous engagèrent beaucoup à visiter des cryptes creusées dans le roc, formant un petit labyrinthe dont l'entrée est assez difficile. Il faut, pour y parvenir, descendre des escaliers dégradés et grossièrement taillés dans la saillie d'un rocher, s'avançant à plusieurs centaines de pieds au-dessus d'un abîme. Malgré tout le péril de la descente, je m'aventurai bravement, avec le secours de nos tatars, jusque dans le labyrinthe où je me trouvais bien dédommagé de ma secrète frayeur. Nous comptâmes une douzaine de chambres donnant les unes dans les autres, séparées seulement par d'informes piliers. Sur ces colonnes crayeuses étaient gravées une infinité de noms parmi lesquels figuraient ceux de plusieurs de nos amis. Les Tatars ne purent nous donner aucune espèce d'explication sur ces demeures souterraines. Ici, comme à Inkerman, les cryptes semblent remonter à une haute antiquité et l'obscurité la plus complète enveloppe à la fois leur origine et leur histoire. L'approche de la nuit nous fit enfin songer à rappeler nos montures qui avaient été faire connaissance avec les chevaux du désert. Mais avant de nous éloigner, nous allâmes dire un dernier adieu au champ de lilas dont la découverte nous avait causé tant de plaisir. Les Tatars, voyant mon regret de le quitter, voulaient en emporter jusqu'à la dernière branche. Je m'y opposai de toutes mes forces, me contentant d'en cueillir une grappe que je conserve comme souvenir de cette charmante promenade. Grâce à son isolement, à ses ruines, à ses traditions, Mangoub Kale est devenu pour les conteurs tatars une mine inépuisable de légendes merveilleuses, et j'aurais plus d'une histoire étrange à raconter si je voulais renouveler ici tous les récits que nous firent nos guides pendant notre séjour à Carolès. Fin du chapitre 17.